Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis chef cuisinier dans un grand restaurant. Et toi, quel est ton métier? Eh bien moi, je suis chanteur. Ah, super! J'adore la musique. Et moi, j'adore manger.